Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. A toujours été une vie de prière. Inekalaka kila mara ni maisha ya maombi. Les gens qui n'aiment pas la prière, tombent souvent dans les fausses doctrines. Kila mara beko nangukia mu mafundisho ya bongo. Il ne tarde pas à croire de faux enseignements. Abakawi yake kuamini mafundisho ya bongo. Il veut la puissance. Wanataka uwezo. Ils veulent voir la puissance. Wanapenda kuona uwezo. Mais ils ne savent pas comment expérimenter cette puissance divine. Alakini abajue namna kani ya kuonja ile uwezo ya kimungu. Les autres croient parce que Dieu est un magicien. Bangine banaamini ya kwamba Mungu ni wa kufanya magie. Non, bien-aimés frères et sœurs. Apana ntuku na dada mpendwa. Notre Dieu a des principes qu'il respecte. Mungu wetu eko na makanuni ile kuna heshima. Vous voulez avoir la puissance de Dieu et sa vie? Unapenda kuwa na uwezo wa Mungu na maisha yake? Commencez par obéir à sa parole. Wanzie kwanza kutii neno lake. Nous sommes dans une période de grande séduction. Tuko mwakati ya utongozi munene. Les gens veulent recevoir le Saint-Esprit sans rien faire. Batu banapenda bapoke Roho Mtakatifu bila kufanya kitu. C'est ainsi que des démons conduisent aux gens aux fausses expériences du baptême du Saint-Esprit. Jomoina muna mademona inaongoza watu kuonja Roho Mtakatifu ya bongo. Les démons conduisent aux gens Mandemona inaongoza watu à entrer en transe, papate kuingia mchemko, avoir quelques manifestations ou quelques sensations dans leur cœur ou dans leur esprit. Bakuweko na kusikiliza mchemko mwa fulani mu roho yabo. Et quand quelqu'un ressent quelques sentiments dans son cœur, wakati mtu anasikia kama mchemko fulani mu moyo wake, et il pense qu'il a reçu le Saint-Esprit. Naye anazania kwamba anapokea Roho Mtakatifu. Cela est faux. Bile ni bia bongo. Frère Branham dans cet état de l'Odyssée. Duku Branham muiki zazi ya Laodikia. Nous a tout expliqué pour que nous ne tombions pas dans la séduction. Alitufasilia yote ili tusiangukie katika utongozi. Dans cette église, quand on était dans l'ancienne église, j'avais expliqué dans la crainte contre l'idolâtrie. Mui kanisa wakati tulikuwa mwile kanisa yetu ya zamani na rifasilia Kikristo kenye kombanisha na kuabudu kwa sanamu. Dans l'enseignement, les esprits séducteurs. Mwile mafundisho maro ya utongozi. Le Saint-Esprit disait à cette époque-là. Roho Mtakatifu alikuwa na sema mwile wakati. Que la manifestation du Saint et donc la manifestation des démons ya kwamba konekana kwa mademona est semblable à la manifestation du Saint-Esprit. Kunafananishwa na konekana kwa Roho Mtakatifu. Et j'ai donné un exemple à cette époque-là. Na ile wakati na letaka mfano. Quand quelqu'un va chez les démons, chez les devins, wakati mtu anaenda kwa mfumu et qui vous dit qu'il a ressenti quelque chose, na kibiambia sima risikia kumchemko fulani, et qu'il a reçu un esprit, na alipokea roho fulani, ce n'est pas faux. Haina bia bongo. C'est une réalité. Ni bia kweli vile kunasema. Mais ce qu'il reçoit là, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des démons. Alakini ile anapokea kule aina Roho Mtakatifu ni mademona. C'est ce qui se passe dans toutes ces religions ici. Joele inafanyika muhimu. Chez les pentecôtistes. Muhimu dini yote ya watu ya Pente. Les gens qui reçoivent des démons. Watu wako napokea mapepo mchafu. Par imposition de main. Mukisha kuwekewa mikono. Na mapastori ba bongo. Des faux prophètes. Manabii ya bongo. Ils ressentent un sentiment de satisfaction dans leur cœur. Anasikia munia ya furaha moyo. Et ils pensent qu'ils l'ont reçu. Na wanawazia sema wanapokea mtakatifu. Pendant qu'ils croient aux fausses doctrines. Wakati yeye anaamini mafundisho ya bongo. Ils mènent une vie entièrement opposée à la parole de Dieu. Anaishi maisha yenye kupinganisha na neno la Mungu. Ils désobéissent au Seigneur. Anakosa kumtii Bwana Mungu. Ils vivent comme des petits démons. Et kunaishi sawa demone kidogo. Une vie de dissimulation dans le péché. Maisha ya kufichama mzambi. Mais avec une fausse assurance. Lakini na hakikisho ya bongo. Qu'on leur avait imposé les mains. Ya kwamba walibawekea mikono. Et qu'ils avaient ressenti quelque chose dans leur corps. Na walisikia kitu fulani mumwili. Et ils pensent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Na anazania sima alipokea Roho Mtakatifu. Cela est faux. Bile ni vya bongo. On peut recevoir le Saint-Esprit. Unawezi kupokea Roho Mtakatifu. Sans sensation. Bila mchemuko hata kidogo. C'est un mystère que Frère Branham a révélé dans cet âge. Ni siri ile ndugu Branham alifunulia mwikisa au lalamike. Quand le Saint-Esprit vient. Wakati Roho Mtakatifu yeye anakuja. Au lalamike. Tu ne tombes pas. Auanguke chini. Tu ne pleures pas. Aulie. Tu ne chantes pas. Mais là dans votre cœur, il y a une action surnaturelle qui se passe. Qui vous donne l'assurance dans votre cœur. Et après cette expérience, Frère Branham a toujours donné conseil. Observez votre vie. Si vous continuez dans une vie de désobéissance à la parole, ça ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Le Saint-Esprit est conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et manifester les fruits des démons. Non, frère. Le Saint-Esprit a sa nature. Le Saint-Esprit a ses fruits. Tu peux ne pas sentir un sentiment dans votre cœur ou quelques sensations dans votre corps, mais là dans votre cœur il y a la crainte de Dieu et tu ne trembles qu'à la parole de Dieu. Quand quelque chose de la part de Dieu est dit, votre esprit la saisit et il obéit. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, peut-être vous avez tombé, vous êtes tombé, vous avez pleuré, c'était seulement une simple onction qui était tombée sur vous. Mais regardez comment vous êtes incrédule à la parole. Et là, c'est un grand danger. La plupart des Saint-Esprits que les gens ont, c'est un faux Saint-Esprit. Oui, bien-aimé frère et sœur. Mais quand vous êtes propre dans votre cœur, vous marchez dans la crainte de Dieu, vous obéissez à toute la parole de Dieu, la Bible est claire, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit l'ont reçu pendant la prière. Même à ceux à qui on a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit, pour rehausser leur foi, ils étaient dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre ancien. pour toutes les exhortations. Kwa ajili ya masubutisho yote. Et que Dieu bénisse toute l'église. Na Mungu abariki kanisa mzima. Pour la prière. Juu ya maombi. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Seigneur, nous te disons merci. Bwana Mungu tunasema asante. Encore une fois de plus. Mara tena. Révèle à chacun de nous l'importance de la vie de la prière dans notre vie. Mafao ya maisha ya maombi mu maisha yetu. Nous ne voulons pas un faux Saint-Esprit. Atupende lero mtakatifu ya bongo. Nous ne voulons pas de fausses expériences. Atupende maonjo ya bongo. Pendant que le ciel renferme et remplit tout ce qui est vrai. Wakati ile mbingu inayala na vitu vya vya kweli. Descends Seigneur Jésus. Ushuke Bwana Yesu. Réponds à chaque frère, à chaque sœur. Dans cette prière qui a été faite dans la sincérité, dans la profondeur du cœur. Parce que hier tu nous as dit que toi tu ne manqueras jamais de répondre à une prière faite dans la sincérité. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Et bénis chacun de nous d'une manière particulière. Nous savons que la révélation vient de toi. Accorde à chacun de nous une bonne compréhension des Écritures. Et cela nous conduira à marcher dans la crainte de ton nom. Bénis l'Église, bénis la parole, bénis chacun de nous, et bénis ce qui ce soir, même la parole que nous allons lire, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 15. Ufunuo sura yake ya 15. Dans son verset 1, nous lisons ceci. Mustari ya kwanza tukunasoma hivi. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe. Kisha nikaona mumbingu alama ingine. Grand et admirable. Ya munene na ya kushangaisha. Cet ange qui tenait cette fléau malaika ula rukwa naisha ushika mapiko saba ba malaika saba bale bale shika ba malaika saba qui tenait les sept fléaux bale bale kwa na chugua mapiko saba les derniers wa mwisho les ba. Lisez frère, lisez les derniers. Ce sont les derniers fléaux. C'est Apocalypse chapitre 15, je suis au verset 1. Les derniers. Car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Kwani ni kupitia bao jo kasirani ya Mungu ikunatimilika. Nous avons vu depuis hier sept anges qui sonnent les sept trompettes pour déverser la colère de Dieu sur la terre. Tuliona tangia jana ba malaika saba beko njenge kupika parapanda ya Mungu jua kupunguza kasirani ya Mungu pa dunia. Mais aujourd'hui, alakini leo, dans l'Apocalypse chapitre 15, Mufunuo sura 15, la Bible dit, Biblia inasema, il y a maintenant sept anges, apa sasa kukuba malaika saba, qui tiennent sept fléaux, benye kuchugua mapiko saba, et ces sept fléaux sont les derniers, na hii mapiko saba iko ya mwisho, qui vont s'abattre sur la terre pour accomplir la colère de Dieu. Il est itangukia pa dunia juu ya kutimiza kasirani ya Mungu. Dans le verset 6. Mustari ya sita. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, Ababa, revêtus d'un lin pur éclatant. Ababa malaika saba, bale barikuwa venye kushika mapiko saba. Wakatoka mwekalu, benye kuvaa na kitani safi, chenye kuangala. Et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Na benye kuwa na mukaba ya zahabu L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges cette coupe d'or. Mumoja wa biumbe ai ine akapatia kwa malaika saba bikumbe saba ya zahabu. Pleine de la colère de Dieu qui vint au siècle des siècles, qui vit au siècle des siècles. Vyenye kuyala na kasirani ya Mungu mwenye kuishi milele na milele. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Na ekalu ikayala na moshi kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux de sept anges soient accomplis. Na ya uwezo wa Mungu na kukwe mtu hata mmoja wa kuingia mwekalu kufika na pale mapiko saba ya ba malaika saba ilitimilika. Le temple est maintenant rempli de la fumée. Ekalu sasa hivi inayala na moshi. Parce que maintenant, kwani hapa sasa, il n'y a aucune prière, hakuna tena maombi hata moja, qui peut être exaucé. Ile inawezo kubaliwa. Maintenant l'agneau est en colère, vous pouvez vous asseoir. Le temps de la grâce est derrière. Dans l'Apocalypse 15 que nous avons lu ici, on annonce les déversements des coupes de fléaux sur la terre. Bekonatangaza kupunguza kwa mapiko saba ile tunasoma ya kupunguziwa pa dunia. Si vous avez bien suivi, kama mulifuata mzuri, la sixième trompette, parapanda ya sita, ouvre la voie aux sept coupes d'Apocalypse 16. Inafungula mlango kuma bikombe saba ya Ufunuo 16. Dans le verset 7 d'Apocalypse, c'est maintenant l'accomplissement de ces sept coupes de la colère de Dieu sur la terre. Msura 16 ni hapa sasa kutimilika kwa bikombe sita ya kasirani ya Mungu pa dunia. Et ces sept fléaux sont les derniers. Naima piko saba jo ya mwisho. Par lesquels, kupitia yayo, Dieu, Mungu, l'agneau qui est déjà en colère, mwana kondo lanesha kusirika, déverse son jugement sur la terre. Et qu'on apunguza ukumu yake pa dunia. Dans Apocalypse chapitre 1. Mufuno, chapitre 16. Apocalypse chapitre 16 verset 1. Mufuno, kuminasita, msari ya kwanza. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple. Na nikasikia sauti mkubwa ile ilitokea kwa hekalu. Et qui disait aux sept anges. Na ilikuwa nasema na baba malaika saba. Allez. Endeni, et versez sur la terre namu, les sept coupes de la colère de Dieu. Namupunguze pa dunia ima bikombe saba ya kasirani ya Mungu. Le premier alla, wa kwanza kaenda, et il versa sa coupe sur la terre. Na akapunguza kikombe yake pa dunia. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Na kilonda kia moto kia kuuma sana ikapika watu wale walikuwa na picha ya nyama na wale hawakuwa wale walimuabudu picha yake. Quand le premier ange déverse sa coupe sur la terre, wakati malaika wa kwanza akipunguza kikombe yake pa dunia, c'est un ulcère malin, Et douloureux qui frappe tous les hommes sur la terre qui avaient la marque de la bête ou qui avaient adoré son image. Bien aimé frère et soeur, si un homme ou une femme kama mwanaume wala mwanamuke n'a pas reçu le Saint-Esprit, asikupokee Roho Mtakatifu, il recevra certainement la marque de la bête. Atapokea hakika picha ya nyama. Et il adorera certainement son image. Ataabudu kabisa kabisa picha ya nyama. Et cette première coupe sera déversée sur lui. Naima bikombe saba itamumwangikia. Cette première coupe hii ya kwanza. Ah, hii kikombe ya kwanza itamwangukia. Arrangez ces écouteurs. Voyez. Munaona. Nous nous sommes réjouis hier à cause de ces 19 âmes qui sont venues lorsque Moussé a fait appel à l'hôtel. Nous nous sommes réjouis de ces 19 âmes qui ont été baptisées lorsque l'ancien a fait l'appel à l'hôtel. Wakati Moussé a relété ripoti. Parce qu'ils ont entendu, ces hommes ont entendu kwani hawa watu warisikia que tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front ya kwamba wale wote hawakuwa na muri ya Mungu pa uso yabo devaient être châtiés baripashe kuapizwa par la colère de Dieu na kasirani ya Mungu au son de la trompette du sixième ange kumulilio ya parapanda wa malaika wa sita. Maintenant comprenez bien frères et sœurs. Le problème n'est pas fini en se faisant baptiser. Mambo haya malizika kisha wako baptisiwa. Si tu es allé seulement aux eaux de baptême par peur, comme ce qui a été dit hier, kama ulienda tu kubatiziwa kwa kuongopa bile bilisemewa jana, tu n'es encore nulle part. Awe afika fuashi. Tu n'as pas encore échappé à la colère de Dieu. Auya epuka kasirani ya Mungu. Tu n'as pas encore échappé à la marque de la bête. Auya epuka picha ya nyama. Ni à l'adoration de son image. Wala ya kuabudu kwa picha yake. Après avoir kisha accepté le baptême. Kuitikia ubatizo. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Après avoir cru kisha wewe kuamini à l'œuvre que Christ a accompli au bois du calvaire, kazi ile Kristo alitimiza kwa msalaba, il doit progresser dans la foi, unapashi kuendelea muimani jusqu'au baptême du Saint-Esprit, kufika na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, c'est à ce moment-là que tu peux échapper pale njoo unaweza kusema à la marque de la bête, njoo unaweza kuepuka kupicha ya nyama, adoration de son image, na kuepuka kuabudu kwa picha yake, et ce fléau na hii mapiko de la première coupe ya kikombe ya kwanza qui tombera sur ceux qui avaient reçu la marque de la bête bale walipokea picha ya nyama et qui adorait l'image de la bête na bale waliabudu picha ya nyama t'échapperont bale ndio utaiepuka. Au cas contraire tu n'as rien fait kama ufanye vile manake au yafanya kitu. Le baptême n'ôte pas la condamnation sur toi. Ubatizo aitoshe hukumu yulu yako. C'est le sang de Jésus-Christ. Ni damu ya Yesu Kristo. Qui ôte la condamnation sur vous. Je kunatosha hukumu yulu yako. C'est le baptême du Saint-Esprit. Na ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Qui va ôter la colère de Dieu sur toi. Je itakutosha kasirani ya Mungu yulu yako. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vraiment sœur. Bia kweli dada yangu. Mais sans le Saint-Esprit, alakini bila Roho Mtakatifu, Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à la marque de la bête. Hakuna namna ingine ya wewe kuepuka picha ya nyama. Il n'y a pas moyen d'échapper à l'adoration de son image. Hakuna namna wewe kuepuka kuabudu picha ya nyama. Et ce fléau viendra sur toi. Na hii mapiko itakuangukia. Bien-aimé frère et sœur. Bapendwa banduku na badada. Avec un ulcère malin et douloureux. Na ikilonda kya moto na kya maumivu. Avec les douleurs. Na maumivu. De les scorpions. Ya kumizo kwa nge. Quand est-ce que tu auras le temps d'aller te prostituer? Ni wakati gani tena ile utapata juu wendo kafanye bondumba? Quand est-ce que tu auras le temps de te réjouir avec les choses du monde? Utapata wakati gani tena wewe kwenda kufurahi na dunia? Quand la colère de Dieu commencera à s'abattre, wakati kasirani ya Mungu itaanza kuanguka, il y aura tellement de fléaux qui feront douleur et qui vont tourmenter des gens. Utakuwa mapiko ile itakuwa ya maumivu na kuangaisha bantu. De telle manière, munamna ya kusema, que vous n'aurez même pas le plaisir. Awezi kuwa ata na furaha de la chair ya mwili. Et le plaisir de, du monde. Na furaha ya nasa ya ulimwengu. Parce que vous l'avez entendu hier. Wani ulisikia jana. Les gens chercheront la mort. Bantu batatafuta bakufe. Mais la mort fuira loin d'eux. Alakini lufu lutabakimbia. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Bia kweli dada. Avec douleur. Na maumivu. De cette piqûre de scorpion. Ya ile kumizwa kwange wala wakaminye. Avec douleur na maumivu, qui vient d'un ulcère malin. Ya kutokea kubilonda bya moto. Quand est-ce que tu iras au commerce? Tu iras faire le commerce. Ni wakati gani ile utenda kufanya biashara? Quand est-ce que toi tu iras faire les champs? Ni wakati gani tena utenda kulima mashamba? Quand est-ce que tu iras dans les bars pour se prostituer? Ni wakati gani utenda mabar jua kufanya bundumba? Quand est-ce que tu auras le temps? Ni wakati gani ile utapata ya wewe kufanya tena mameshe wala ya kujipenta kutakata. Ça sera un temps terrible. Itakuwa ni wakati ya tari. Et un temps horrible. Na wakati ya boka. Voyez bien mes frères et sœurs. Unaona ntuku na dada mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Mais le seul endroit. Le seul endroit. Alakini fazi moja tu. Dans lequel tu peux te réfugier. Ule unapashi ukimbililia. Pour échapper à la colère de l'agneau. Ya kuepuka ukasirani ya mwana kondoo. C'est d'accepter le sang de Christ. Ni yawe kuitikia damu ya Kristo. C'est entrer en Christ. Ni kuingia ndani ya Kristo. C'est ça le lieu sûr. Ndio fazi ya hakikisho. Dans lequel il y a la sécurité. Mule mko ukingo. Où aucun fléau ne peut te frapper. Mule hakuna hata mapiko moyo ile inaweza kupika. Christ, pourquoi? Dieu a nini? Parce que Christ a déjà été frappé. Wani Christ huyo anachapikwa. Dieu ne peut pas le frapper deux fois. Mungu hawezi kumpika mara mbili. Ceux qui sont en Christ, wenye kuwa ndani ya Kristo, sont épargnés de la colère de Dieu. Wanaepushwa kukasirani ya Mungu. Mais ceux qui ont la marque de la bête, lakini wenye kuwa na picha ya nyama, son image, na kuabudu picha yake, ils ont la colère de Dieu sur eux. Bo, weko na kasirani ya Mungu yulu yabo. Verset 3. Mustari ya tatu. Le deuxième versant s'accoupe dans la mer. Wapiri akapunguza kikombe yake mubari. Et elle devient du sang. Na bahari ikakuwa damu. Comme celui d'un mort. Sawa damu ya mufu. Et tout être vivant mourut. Na kiumbe kiote kingekuwa hai kikakufa. Tout ce qui était dans la mer. Kile kiote kilikuwa ndani ya bahari. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Le deuxième ange tenant la coupe de fléau. Malaika wa pili mwenye kushika kikombe kia lui va, lui va s'occuper ya tangaikia des eaux de mer maji ya bahari. Et quand il frappera les mers, wakati atapika bahari, les eaux de mer maji ya mabahari deviendront du sang itakuwa damu. C'est vrai bia kweli. Et tout être na kiumbe kyote qui vit dans la mer kenye kuishi mubahari mwa kitakufa. aucun homme, akutakuwa mtu hata mmoja, peu importe sa soif, aizuru kiu yake, ne peut accepter, awezi kuitikia, de boire du sang, akunywe damu, pour étancher sa soif, juu ya kumaliza kiu yake. Et cette eau de la mer na hii maji ya bahari ne deviendra même pas comme un sang ordinaire, haitakuwa tasa wa damu tu ya kawaida, mais elle devient du sang comme celui d'un mort, lakini itakuwa damu sawa damu ya mtu mwenye kufa. C'est même un sang sans vie, maana yake ni damu yasipokuwa na buzima. Parce que la vie, kwani buzima, se trouve dans le sang, Mungu napatikana ni mudamu. Mais c'est sang, lakini hii damu n'a pas de vie, haina na buzima. C'est pourquoi, ndio kwa maana, il produit la mort, iko naleta lufu. Oui bien aimé frère, ndio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur, Dieu dada mpendwa. Au lieu d'endurcir ton cœur, bali awe kufanya moyo wako kwa mgumu, pour aller boire ce sang, je awe kwenda kunywa ile damu, cette eau de mer, ile maji ya bahari, changé en sang par le fléau et la colère de Dieu, ile inabadilishwa kwa damu kupitia mapigo ya Mungu, la mort, ile takuletea lufu. Ce soir, mangaribi ya leo, Christ donne de l'eau de vie, Christ analeta maji ya buzima, et il les donne gratuitement, analeta kwa bure, à quiconque, kwa yeyote, qui a soif de le boire, ule kuna kiu ya kuikunywa. Si tu as soif de l'eau ce soir, ama uko na kiu ya maji mangaribi, pas n'importe quelle eau, haina maji yote yote, l'eau qui donne la vie éternelle, lakini ni maji ya kuleta buzima milele. Christo est encore ce soir sur son trône. Mangaribi aleo angariki pakiti ya kiarenzi. Il est encore ce matin. Et quoi que tena subuhi ya leo. Pour te donner l'eau de la vie. Je kupatia maji ya buzima. Qui te donneront la vie éternelle. Il est akupatia buzima ya milele. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Le troisième. Huyu wa tatu. Versa sa coupe dans le fleuve. Na yakapunguza kikombe yake mumamito. Et dans les sources d'eau. Na mumachemuchemu ya maji. Et elle devint du sang. Nayo ikakuwa damu. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Le troisième, deuxième ange. Malaika wa pili. S'occupe des mers. Anangaikia mabahari. Le troisième. Watatu. S'occupe des sources. Anangaikia mamchemchemu. Na mamito mamitoni. Cela signifie. Manake ni. Que les eaux sur toute la terre. Manake maji pa dunia mzima. Ne deviendront que du sang. Itakuwa tu paka damu tu. Pourquoi? Dieu a nini? C'est pour châtier. Dieu a quoi pisa? Tous ces incrédules et méchants. Batu bakuto kwa mine na wabaya. Qui ont rejeté la grâce de Dieu. Bale barikata neema ya Mungu. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait. Na nikasikiliza malaika wa maji ule alikuwa anasema. Tu es juste. Uko wa uwaki. Toi qui es. We mwenye kuwa. Et qui était. Na ulikuwa. Tu es saint. Uko mutakatifu. Parce que tu as exercé ce jugement. Wani unatumia uamuzi wako. Il est. Eko. Il était. Alikujaka. Il ne vient plus. Anako tena. Parce qu'il était déjà venu. Wani alikuwa anesha kuja. Voyez. Munaona. Il était déjà venu. Alikuwa anesha kuja. Au temps de l'enlèvement. Mwakati ya. C'est pourquoi l'Écriture. Toko maana andiko. N'utilise plus les termes. Inaitiliza qui vient. Aitilize tena msemo ya kwamba atakuja. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Et l'ange dit. Malaika anasema. Tu es juste. Ni auaki. Toi qui es. Wewe mwenye kuwa. Et qui était. Na ulikuwa. Tu es saint. Uko mtakatifu. Parce que tu as exercé ce jugement. Kwani unatumia uamuzi wako. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Kwani walimwanga damu ya mtakatifu na ya manabii, ya watakatifu na manabii. Et qui a donné du sang à boire, il le mérite. Na unawapatia damu wapate kuikunywa, kwani wanaistahili. Tous ceux qui ont versé le sang des saints. Bale wote walimwanga damu ya watakatifu. Tous ceux qui méprisent les hommes de Dieu. Bale wote banabayule batumishi ya Mungu. Qui annonce la vérité. Benye kutangaza ukweli. De l'évangile pour éloigner les gens de la colère de Dieu. Injili juu kuepusha watu kasirani ya Mungu. Tous ces gens qui les ont méprisés. Aba watu wote walibabeula. Maintenant. Apa sasa. Ils reçoivent leur part. Beko napokea sehemu yabo. Et l'ange dit, Dieu, tu es juste. Na malaika anasema wewe Mungu kuwa uwaki. Ces gens méritent tes jugements. Hawa watu wanastahili hukumu yabo. Comme ils ont versé le sang des justes. Sawa vile walimwanga damu ya takatifu. Ils ont versé le sang des saints. Walimwanga damu ya mtakatifu wa watakatifu. Ils ont versé le sang des prophètes. Walimwanga damu ya manabii. Qu'ils boivent aussi. Na bo bakunywe. L'eau changée en sang. Maji yenye kubadilisha mudamu. Parce qu'il mérite, il le mérite. Kwani wanaistahili. Et j'entendais un autre ange qui dit, qui de l'hôtel disait. Na nikasikia malaika mwingine kutoka mimbari alisema. Mazabao akasema. Oui. Ndiyo. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu mwenye uwezo wote. Tes jugements sont véritables et justes. Maamuzi yako iko ya kweli na ya uwaki. Il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu tu. Qui a un jugement juste. Je kuna uamuzi wa uwaki, hukumu wa uwaki. C'est pourquoi déjà maintenant Dieu dit. Je commande hapa sasa anasema. Ce que tu auras semé. Ile utapanda. C'est ce que tu moissonneras. Jo ile utavuna. Si tu as semé l'iniquité, la méchanceté. Kama ulipanda uovu. Tu vas moissonner cela. Utaivuna. Mais si tu as planté, tu as semé la justice et la crainte de Dieu. Kama ulipanda uwaki na boka wa Mungu. Ah, tu le moissonneras aussi. Na hiyo tena utaivuna. Oui, bien-aimés frères. Dieu nous compendra. Ils ont versé le sang des justes. Bari mwanga damu ya beyi yake. Le sang des saints, des prophètes. Damu ya watakatifu na marabi. Comme le sang rouge. Sawa damu mwekundu. A touché le sol. Ilugusa bulongo. À cause de leur méchanceté. Kwa ajili ya ukaidi yabo. Ils boivent aussi. Na bo bakunywe. Le sang. Damu. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Malaika waine akapunguza kikombe yake yulu ya jua. Et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Na ikamupewa apate kuchoma bantu kupitia moto. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Na bantu wakachomwa na kivukutu ya nguvu. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu. Na baka kufuru jina la Mungu. Qui a l'autorité sur ce fléau? Mwenye kwa na mamlaka yulu ya ima piko. Et il ne se repentir pas pour lui donner gloire. Na abakutubu juu bapate kumutukuza. Bien aimé frère et soeur. Bapendo bantu kuna badada. Quand le temps de ce fléau viendra. Wakati ya ima piko pale tafika. Le soleil. Jua. Sera chauffé cette fois. Bataitia moto mara saba. De telle manière kusema, que les hommes seront brûlés. Batu batalungua. Parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu. Kwani barikata neema ya Mungu. Ils se sont moqués de la parole. Barichekelea neno la Mungu. Ils se sont moqués de l'œuvre de Dieu. Barichekelea kazi ya Mungu. Ils se sont moqués des prophètes et des saints. Barichekelea manabii na batakatifu. Qui leur annonçaient. Bale barikuwa na batangazia. La grâce du Seigneur. Neema ya Mungu. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. C'est pourquoi nous appelons notre Dieu. Il est l'Éternel. Eko wa milele. Le Dieu des armées. Mungu wa majesi. Tout ce qu'il a craigné. Bile biote aliumba. Est une arme dans ses mains. Ni sila umikono yake. Entre ses mains. Na mikono yake. Pour punir. Kwa kuapiza. Tous les habitants de la terre. Bakaji bote bapa dunia. Ils ont méprisé. Bale bali umbeula. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Ils furent brûlés. Na barilungua baribachoma. Par la chaleur du soleil. Na kivukutu ya jua. C'est bien aujourd'hui. Ni muzuri leo. Vous déshabillez parce que vous avez chaud. Unavula mavazi juu unasikia kivukutu. Mais quand la colère de Dieu s'abattra, alakini wakati kasirani ya Mungu itashuka, même en étant déshabillé, ataka monatosha mavazi, tu mourras. Utakufa. Au lieu d'aller mourir avec ce fléau, pari au kwenda kufa kuima piko, commencez déjà à t'habiller décemment. Wanzi tu kuvala na heshima. Tous ces gens qui exposent leur corps, aba watu wote wakonekanisha mwili yabo, pour séduire les hommes, ja kutongoza banaume, ce jour-là leur corps sera brûlé. Ile siku mili yabo bataichoma. Kala chele, wakati kivukutu, sera tellement très grande, itakuwa munene sana. Jiwa les gens, kukua bantu, même les prostituées n'auront pas le temps de séduire les gens. Mais ce sont des incrédules. Vous qui portez les mini-jupes, votre temps vient. Vous sentirez la colère de l'agneau. Vous les frères qui marchez en culotte, en cinglé, votre temps arrive. Le soleil sera chauffé pour vous. Il n'y aura ni glace. Il n'y aura ni eau pour apaiser votre soif, pour apaiser la température. Les hommes mourront parce qu'ils sont, ils étaient incrédules à l'évangile de la croix, à l'évangile du salut, à la grâce de Dieu. Vous voyez bien mes frères, c'est comme je vous l'avais dit hier. Regardez leur comportement. Ils ont blasphémé contre le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ce fléau, au lieu de les supplier, mais ils ne se sont pas repentis. Oui bien aimé frère, pourquoi? Parce qu'ils étaient destinés à la mort. Oui bien aimé frère et soeur, comme nous l'avons déjà dit, c'est lui qui est destiné à la mort, n'a aucun sentiment de se repentir, n'a aucun sentiment de chercher le Seigneur, n'a aucun sentiment de demander pardon à Dieu. Mais pour les incrédules, votre temps arrive, le soleil sera chauffé. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête. Na watano akapunguza kikombe yake yulu ya kicha enzi ya nyama. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Na ufalme wake ikafunikwa na magiza. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Na watu walikuwa wanajumiza ulimi kwa uchungu. Ils blasphèrent les dieux du ciel. Na walikufuru Mungu wa kuzimu. À cause de leur douleur. Kwa ajili ya maumivu yao. Et de leur ulcère. Kwa ajili ya vidonda vyao vya moto. Et ils ne se repentirent pas. Na wakutubu. De leurs œuvres. Matendo yao mbaya. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Même le trône de la bête ata kicha enzi ya ule mnyama sera couvert de ténèbres. Ataifunika na magiza. C'est à ce moment-là, ni mwile wakati, les ténèbres magiza partiront de là pour couvrir le reste du monde. Itatokea pale juu kufunika dunia mzima. Les hommes dans les ténèbres, batu katika magiza, avec douleur, na maumivu, avec tous ces fléaux, na hii mapiko yote, ils vont se mordre la langue de douleur. Watajumiza ulimi kwa ajili ya maumivu. Oui bien aimé frère, bia kweli ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur, Dieu dada mpendwa. C'est comme je l'ai dit dans les jours passés, paka vile nalisema siku ilipita, bale batabakia mwalevement, mena ceux qui vont rater l'enlèvement. Ni furaka ni, c'est quelle joie, batakuya nayo ya kuishi mudunia, ils auront de vivre sur la terre. Frère, ndoko, ma sœur, dada yango, après le départ de l'épouse, kisha kuenda kwa bibi harusi, et après que les 144 000 soient scellés, na kisha 144 000 la furaha disparaîtra sur toute la terre, itapotea pa dunia mzima. Pendant que les fléaux s'abattent sur la terre, wakati ile mapiko inaangukia dunia, il n'y aura pas de joie, hakutakuwa tena furaha. Il n'y aura pas de paix, hakutakuwa salama. Les hommes ne peuvent ni expérimenter la paix, watu hawawezi wala kuonja salama. Ils ne peuvent expérimenter la joie. Wala kuonja furaha. Ils ne peuvent expérimenter le repos. Hawawezi kuonja wana mapumziko. Le temps de tourment est arrivé. Wakati ya mangaiko inafika. L'agneau est en colère. Wana kondoo wanashirika. Les incrédules et les méchants. Bakutokwamini na batu babaya. Sont en train de recevoir leur salaire. Wanaanza kupokea mshahara yabo. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Aujourd'hui, leo hii, c'est un agneau aux yeux doux. Angariki mwana kondoo na macho ya upole. Bien aimé frère. Mpendwa ndugu. Mais pendant ce temps-là, alakini mwile wakati ile, il sera maintenant un agneau en colère. Atakuwa mwana kondoo katika kasirani. Regardez même dans la nature. Tazameni hata katika asili. Quand un mouton wakati mwana kondo se met en colère, anashirika bakusema bishilani byake biishe pourque sa colère s'apaise, baka anamalizana na adui, il faut à tout prix qu'il puisse finir avec son ennemi. Notre agneau jo kile kita fanye mwana kondo wetu katika kasirani. Christ deviendra un agneau en colère wakati Kristo anakuwa mwana kondo mkasirani, pourque sa colère s'apaise, kasirani yake malizike. Il faut baishane, il faut qu'ils en finissent na batenda nzambi, il faut qu'ils en finissent avec les pécheurs. Il puisse finir avec les Satan et les démons. Maintenant tu seras où? Utakuwa wapi mule wakati? C'est vrai frère. Bia kweri nduku. C'est vrai ma soeur. Bia kweri dada. Ils ont brûlé. Bali lungua. La bête elle-même dans le tourment. Nyama yeye mwenyewe katika mangaiko. L'antichrist lui-même dans les tourments. Mpinga Kristo yeye mwenyewe katika mangaiko. Ses sujets dans les tourments. Davantu yake bote mbangaiko. Les incrédules dans les tourments. Watakuamini katika mangaiko. Parce que tout le monde bote doit sentir la colère de Dieu. Kusikia kasirani ya Mungu. Le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Na huyu wa sita akapunguza kikombe yake pa muto munene pa muto ya Efrata. Et son eau tari. Na maji yake ikakauka. Pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Ili apate kutayarishia njia bafalme bakutokea kuasubuhi. Sur le sixième ange. Uyu malaika wa sita. Sur le sixième ange. Yulu ya malaika wa sita. Qui sonne et qui déverse sa sixième coupe sur le fleuve Euphrate. Mwenye kupunguza kikombe yake yule ya muto ya Euphrate. Je reviendrai lorsque je parlerai de Rome. Tarudiria kapo wakati nitasemezea yule ya Roma. De l'Empire romain. Wakati ile nitasemezea yule ya ufalme wa Kiroma. Voyez bien mes frères. Unaona bapendo bangu. Quand je parlerai. Wakati nitasemezea yule ya wafalme 10. Qui viendront de l'Orient. Bale batatokea ku magharibi. Voyez. Unaona. Parmi ces 10 rois. Katikati ya wafalme 10. Qui viendront de l'Orient. Bale batatokea ku magharibi. Il y a la Chine, il y a le Japon. Huku China na Japan. Il y a la Russie à leur tête. Huku na Rusia ku kichwa yabo. Maintenant, sasa, c'est le début mwanjo, de la guerre d'Armageddon. Ya vita ya Armageddoni. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Quand le fleuve Euphrate s'arrive. Wakati muto ya Euphrate nakauka. Pour préparer le passage. Ndio kutayarisha njia. Au jour qui vient de l'Orient. Ya iba falme kumi va kutokea kwa magharibi. C'est maintenant la les préparatifs. Sasa hii ni matayarishio. De la guerre d'Armageddon. Ya hii vita ya Armageddoni. C'est vrai frère. Ndio kweli nduku. Qui est la troisième guerre mondiale. Yenye kwa vita ya tatu ya ulimwengu mzima. C'est vrai. Ndio kweli. J'ai vu sortir de la bête. Niliona kutoka de la gueule du dragon. Kutoka mukinyo ya ule joka. De la gueule de la bête. Na mukinyo ya ule nyama. Et de la bouche du faux prophète. Na mukinyo ya unabii wa bongo. Trois esprits impurs. Marota tuchafu. Semblable à des grenouilles. Yenye kufanana na biula. Nous parlerons de ça quand le temps viendra. Tutaisemezea wakati tutakuwa na muda. Parce que il faut comprendre tout un chapitre que vous comprenez cela. Wani anapashi tuchugue sura mzima ili mupate kuelewa. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Et quand le fleuve Euphrate arrive. Wakati muto ya Euphrate inakauka. C'est le début mwanjo de la guerre d'Armageddon. Ya vita ya Armageddoni. Dans Apocalypse au chapitre 16. Mufunuo sura 16. Dans son verset 16. Mustari yake ya 16. Ils rassemblèrent. Wakakusanisha. Dans les lieux appelés en hébreu. Wakawakusanisha mufazi. Armageddon. Yenye kuitwa mukiebrania Armagedoni. Mais cette vallée s'appelle Megiddon. Alakini ibonde wanaita Megiddon. Frère. Ndoko. J'étais là moi-même dans cette vallée ici. Mimi huyu nalifika mwile bonde. J'admirais cette grande vallée. Nalikuwa nashangaa ile bondi munene. Dans laquelle mule, la guerre d'Armageddon mule vita Armagedoni s'accomplira. Itatimilika. Ce n'est pas loin de la Syrie. Aina mbali na Suria. Un endroit très joli. Ni fazi mwa mzuri kabisa. Un endroit arrosé comme le jardin. Fazi mwa yenye kuwa na umeme yenye. C'est beau. Yenye kuwa mzuri, majani mazuri sawa. Si vous voulez voir cet endroit là, kama unapenda kuona ile fazi. Je vais me filmer cela. Nari bamba ta picha. Je vais me déposer sur ça. Ni kuna mapicha yule ya ile fazi. Frère. Nduku. Ma sœur, dada yangu, Dieu Mungu est résolu d'en finir avec les méchants malizana na watu et wabaya. D'en finir na kumaliza avec la bête. Na nyama. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweri, dada yangu. Dans Apocalypse 19, Mufunuo sura 19, dans son verset 17, Mustari ya 17, la Bible dit, Biblia inasema, et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Na nikaona malaika mwingine mwenye kusimama mujua. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Akalalamika na sauti mkubwa na kusema na wandeke wote wale walikuwa na ruga katikati ya anga na kusema mkuje. Rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu. Mudikusanie kwa ajili ya karamu mnene ya Mungu. Afin de manger la chair des rois. Ili mupate kula mili ya bafalme. La chair des chefs militaires. Mili ya bakubwa baba askari. La chair des puissants. Na mili ya batu bawezo. La chair des chevaux. Mili ya mafarasi. Et de ceux qui les montent. Na wale wapanda farasi. La chair de tous. Mili ya bote. Libre. Benye esclave. Kwa uru na bafungwa. Petit et grand. Bakubwa na badogo. Et j'ai vu la bête. Na niliona mnyama. Les rois de la terre. Bafalme pa dunia. Et leur armée. Na majeshi zao. Rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Na benye kukusanisha jua kumufanya vita ule alikuwa mwenye kuketi pa farasi na jeshi lake. Et la bête fut prise. Na huyu mnyama bakamukamata. Avec elle les faux prophètes. Pamoja na nabi wa bongo. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Ulalifanyaka miujiza juu ya kutongoza bale bali kuwa na picha ya nyama. Et adorer son image. Na bale bali abudu picha yake. Ils firent tous les deux, j'étais vivant dans l'état ardent de feu et de soufre. Bali tupo bote bawili mule mushimo ya moto ya kibereti. Là, c'est la condamnation. Isa sa ni hukumu. Voyez. Mais ici d'abord, hapa, dans la guerre d'Armageddon, vita Armagedoni, ça sera la fête. Itakuwa njo karamu. Dieu invite Mungu analika, tous les oiseaux bandeke bote bakula, dans la vallée de Megiddon, ya kwamba waende mule mubonde ya Megiddon, pour manger la chair des militaires, ili waende kula mnyama ya askari, et de tous ceux qui montaient les chars, na mnofu ya bote bapanda farasi, qui étaient venus combattre, bali baliko njua kupika vita, l'armée de celui qui était, jesi ya ule alikuwa, qui était monté sur le cheval, ule alikuwa mwenye kupanda farasi, notre Seigneur Jésus Christ, wana wetu Yesu Kristo. Oui, bien aimés frères et sœurs. Dio ntuku na dada mpendwa. Ça sera terrible. Itakuwa ni hatari. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Bantu batakufua. Les gens mourront. akutakuwa muntu wa kuibajika. Il n'y aura personne pour les enterrer. Bandeke batakula mili yao. Les oiseaux mangeront leur chair. Batachoka. Ils se fatigueront. Pourquoi? Dieu a dit, la colère de l'agneau s'abatte sur la terre. Il n'a plus qu'à s'assadonner. Dans Zacharie chapitre 12. Zacharie, sura 12. C'est vrai frère. Les fléaux arrivent. Mapiko ikunakuja. Léo, t'aweze kufana semblant. Aujourd'hui, tu peux faire semblant. Mais yo akusema shiku ya mateso iko nakuya. Parce que les jours de douleur arrivent. Avant que mateso ifike. Avant que la souffrance arrive. Vera mipango. Prenez des décisions. Yawe kuepuka ile mateso. D'éviter ces souffrances. Frère Franck dit, hein? Donc Franck Anasema. Aïna mzuri. Ce n'est pas préférable. Moya, aucune personne. Akutanike. Il se retrouve. Dans ce temps de cette douleur, de cette souffrance. C'est vrai frère. Biakweri Nduku. C'est vrai ma soeur. Biakweri Dada. Dans Zacharie chapitre 12. Zacharie sura 12. Dans le verset 3 à 4. Mustari atatu kufika na yaine. En ces jours-là, Mwile siku, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tafanya Jérusalem epate kwa jiwe ya buzito. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris. Bale bote batapima kuinyangula batajumiza. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Na mataifa yote ya ulimwengu mzima itamkumbanisha. Ah, ces jours-là. Mwile siku. Dit l'Éternel. Ivo milele anasema. Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. Tapika kukosa kusikiliza mafarasi yote. Et de délits ceux qui le monteront. Na bale bote batapanda mafarasi batakuwa sabazimu. Mais alakini, j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Macho yangu itangalia paka nyumba ya Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Wakati nitapika na upofu mafarasi yote ya watu. Oui bien aimé frère. Dio nduku mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Mais quand la septième coupe vient. Alakini wakati kikombe ya saba iko nakuja. Maintenant c'est le jugement. Sasa ni hukumu. De la grande Babylone. Ya Babeli mkubwa. Dans Apocalypse chapitre 16. Ufunuo sura 16. Commençons dans le verset 17. Tanzio msada 17. Maintenant c'est le jugement de la grande Babylone. Sasa ni hukumu ya Babeli mkubwa. Le septième verset ça coupe dans l'air. Huyu wa saba akampunguza kikombe yake mwanga. Dans l'air signifie. Mwanga manake. Ce sont des conflits militaires. Ni ma kokotane ya wa askari. Nous allons expliquer cela quand nous parlerons du quatrième royaume. Tutaifasilia wakati tutasema yule ya ufalme wa ine. Dans le dernier temps. Wala mwakati ya mwisho. Et ce qu'il fait aujourd'hui. Na kile konafanya leo. Nous allons expliquer cela. Tutaifasilia. Donc cette expression. Imusemeo. Jeter ou verser la coupe dans l'air. Upunguza kikombe mwanga, mwanga. Ce sont les conflits militaires. Manake ni makokotano wala mavita. Ce sont les missiles. Ya waskari. Ce sont les bombes. Ni masila, mabombe. Sur toute la terre. Batapunguza pamoja mzima mwanga. Même les armes biologiques. Ata masila. Ya itapunguza mwanga. Nous y arriverons au temps de Dieu. Tutafika ako wakati ya Mungu. Et les hommes mourront. Na watu watakufa. C'est vrai frère. Bia kweli ndio. Sera pas un petit corona. Haitakuwa ka corona kadogo. COVID-19 que vous fuyez aujourd'hui. Voilà COVID-19 ile mnakimbia leo. Non, ça sera. Itakuwa. Réellement des armes biologiques. Hakika ma arme biologique. Vous avez vu dernièrement. Muliona masi kupita. La Russie a exhibé ses muscles. Russia alionesha nguvu yake. A montré ses armes de destruction massive. Kuonesha masilaha yake ya kuharibu watu mingi. Ile maarme yote Russie konayo. Toutes ces armes que possède la Russie. On les a bien conçues. Mais tu yakuwa ba incrédule. Et pour tuer ba kutokuamini. Ma arme biologique. Toutes les armes biologiques. Arme chimique. Toutes les armes chimiques. Toutes ces armes qui sont stockées. Ile masilaha yote banachunga. Seront utilisées. Bataitumikisha. Dans la troisième guerre mondiale. Nous vita ya ulimwengu mzima ya tatu tunaita. La guerre d'Armageddon. Vita ya Armagedoni. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Ça sera terrible. Itakuwa ni hatari. Et ça sera jeté en l'air. Na bataitupa mwanga. Et il sortit du temple. Na akatoka mwekalu. Du trône. Toka kiti ya enzi. Une voix forte qui disait. Sauti moyo yangu ilikuwa nasema. Unaisha. Et il y eut des éclairs, de voix, de coups de tonnerre, et un grand tremblement sur la terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre. Écoutez les termes que la Bible utilise. C'est vrai. Et la grande ville fut divisée. C'est la Rome qui sera divisée. Entre parties, les villes des nations tomberont. Et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont le grêlon pesait un talent. Ile maibo yake kwa na buzito wa talamu tuma. Tomba du ciel sur les hommes. Ikanguka toka mbingu yule ya watu. Et les hommes blasphémèrent Dieu. Na watu wakamkufuru Mungu. A cause du fléau de la grêle. Kwa ajili ya mapiko ya mvua ya mawe. Était très grand. Kwa ajili hii mapiko ilikuwa munene kabisa. Oui, bien aimé frère et soeur. Dio nduku na dada mpendwa. Ça sera terrible. Itakuwa ni hatari. Il ne faut pas que vous soyez trouvés sur la terre pendant cette période-là. Mwile wakati ila haipashi wewe upatikane pa dunia. Frère, nduku, ma soeur, dada yangu, je vous ai toujours dit dans cette église kila mara mimi namwambia kama hii kanisa que le peu de semblant ya kwamba hii ka sambla kado de paix que vous voyez sur la terre ka salama kale munaona pa dunia est lié à la présence des élus sur cette terre keko tunaambatana na uwepo wa bateule pa dunia est lié à la présence du Saint-Esprit qui est dans les élus sur la terre. Aka ka salama kado koke kwa ako ni juu ya les élus. Si kule bateule ne seront plus sur la terre. Abata kwa tena pa dunia. Le jour que les 144,000 seront scellés. Batatiwa muhuri. Frère, Ntuku, vous allez expérimenter. Mutaonja. Toute la méchanceté des hommes rombaya yote ya bantu kaidi et la colère de Dieu na kasirani ya Mungu sera sur toute la terre. Itapungukiwa pa dunia, itapunguziwa pa dunia mzima. Oui, bien aimé frère et soeur. Dio nduku na dada mpendwa. C'est vrai. Mbia kweli. Le temps de la colère est là. Wakati ya kasirani ya Mungu yo ile ikwako. Voyez bien aimé frère. Munaona nduku mpendwa. Dieu est décidé d'en coudre. Mungu anachugua mpango. Et avec l'antichrist na, le pape la bête mpinga Kristo le faux prophète mwenye kwa nabii wa bongo avec tous ses lieutenants na ba lieutenants et tout le gouvernement wote ba serikali yote ils ont gagné à sa cause que nous les montrerons. Ila atakuwa nayo pa dunia vile tutaiona. Voyez bien aimé frère. Unaona nduku mpendwa. Dieu Mungu châtiera atapisa les États-Unis America châtiera atapisa l'Europe unie et bula yote mjini mwingine atapisa Vatican. C'est vrai frère. Et tous ceux qui l'ont appuyé. Et tous ceux qui ont reçu la marque de la bête. Et tous ceux qui l'ont adoré. Qui ont adoré l'image de la bête. Oui frère. Vous qui fréquentez les églises qui sont dans le conseil écuménique, makanisa yenye kwa katika muungano ya makanisa ulimwenguni, vous êtes du nombre mukumuile uwingi de ceux qui seront yabale châtiés par la colère de Dieu, batapizwa na kasirani ya Mungu, et par les fléaux de Dieu, na mapiko ya Mungu. Oui bien aimé frère. Dio nduku mpeni. Vous tous mwe bote qui parle aveuglément, vous allez chercher le Saint-Esprit dans les dénominations, dans les groupes de prière où il n'y en a pas, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, les fléaux de Dieu viendront sur vous. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit là où il ne se trouve pas. Le Saint-Esprit n'est pas dans une fausse doctrine. Il ne sera jamais dans une fausse doctrine. Aïe, kupatikana mafundisho ya bongo. Aucun homme qui croit une fausse doctrine ne peut recevoir le véritable Saint-Esprit. Cela est faux. L'imposition des mains d'un faux prédicateur qui croit une fausse doctrine ne peut pas vous accorder le véritable Saint-Esprit. C'est une séduction. Et ces fléaux seront sur vous. Pendant que la vérité de l'évangile, la vérité de toute la parole est proclamée par le message de la fin. Aujourd'hui, nous avons la pureté de la parole évangélique, la pureté de la parole doctrinale, la pureté de la parole prophétique. Tout est pur. Yote kusafi. Et tout est vérité. Na yote ni ukweli. Pour aider les élus ya kusaidia wateule à recevoir un esprit de vérité. Ili wapokee roho ya ukweli. Mais vous les cherchez ailleurs. Alakini unaenda kuitafuta fazi ingine. Vous ne les verrez pas. Hautaipata. Les fléaux seront sur vous. Mapiko itakuwa yulu yako. Même Boaz. Hata Boaz. Quand il a trouvé Ruth. Wakati alikutanishana na Ruta. Alimwambia. Ma fille. Binti wangu. N'allez plus glaner. Usiende kulokotisha. Dans d'autres champs. Mu mashamba ingine. Reste seulement. Ubakie tu. Derrière mes moissonneurs. Mukongo ya bafunaji yangu mu mashamba yangu. Lorsque tu auras soif, wakati utakuwa na kiu, allez vers les moissonneurs, wende kwa bafunaji, les serviteurs, batumishi yango, boira au même zoo, utakunya kumaji moja moja pamoja nabo. Wakati unahitaji Roho Mtakatifu, vous allez vers Christ, utaenda kwa Kristo, vous recevrez le Saint-Esprit, utapokea Roho Mtakatifu, véritable qui se trouve, wa kweli ule anapatikana, ule anapatikana mbatumishi ya Mungu badi ya kweli, batumishi ya Boaz. Boaz n'a pas dit. Boaz a si kuseme. Aujourd'hui tu es. Il n'a pas chez leo. Huko muhima shamba. Demain tu es dans l'autre champ. Kesho unaenda mwa shamba ingine. Le message était clair. Ujumbe kuwazi. Bakia mwile mashamba. Reste dans ces champs. Mwile weye rite. Na utoa rite. Huko na possibilité. Ya la possibilité. Ya kukombolewa. D'être délivré. Parce que moi, Boaz, je suis les parents de ton beau-père. Naomi, dès que je rachète, Naomi, je vais aussi te racheter toi. Dès que je te rachète toi, toute ma richesse sera à toi. Apana kutanka tanka. Il faut pas être Léo comme un groupe de prière. Vagabond aujourd'hui dans les groupes de prière. Léo comme un papa pentecôtiste. Le lendemain tu es chez les pentecôtistes. Oh, puissance là-bas. Oh, il y a la puissance là-bas. Quelle puissance? Vous avez de mauvais esprits. Ukuna mapepo mchafu. Vous êtes destiné à recevoir la colère de Dieu. Unatairishiwa upokee kasirani ya Mungu. Oui bien mes frères et sœurs. Yo ndugu na dada mpendwa. La colère vient. Kasirani kunakuja. Les fléaux viennent. Mapiko ikunakuja. Sur tous ceux qui rejettent la vérité. Yuli abale bote banakatala ukweli. Bien mes frères et sœurs. Mpendwa ndugu na dada. Unatoka muneno la Mungu la kweli. Tu quittes la véritable parole de Dieu. Unaenda muneno la bongo. Pour aller dans une fausse parole. Unatumainia. Et alors, tu espères recevoir le Saint-Esprit. Kama unashindwa kupata Roho Mtakatifu. Si tu échoues de recevoir le Saint-Esprit. Muneno la Mungu la kweli. Dans la parole de Dieu de vérité. Hautaipataka mubya bongo. Tu n'en auras plus jamais dans la fausse parole. Uko nenda mu makanisa mazebu. Tu vas dans des églises dénominationnelles. Une consolation charnelle. C'est pour chercher votre cœur, faraja wa moyo. Moyo wako jua kuhukumiwa kwako. C'est vrai frère. Bia kweli ndugu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Notre temps est arrivé à la fin, on va continuer. Wakati yetu naenea, tutaendelea. Pour moi ces choses sont très importantes. Kwangu mimi bibi tu ni bia mafaka kabisa. Il faut que l'église, Napashkanisa. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a jamais parlé, à peu près 18 ans qu'on n'a jamais parlé de la parole prophétique. C'est pourquoi je suis très élastique. Jokomana, ni kunaenda pole pole. Kuna kwa kadiri miaka 18 atuseme yule ya neno ya unabii. Quand je vais achever, wakati nitamaliza, je vais prendre congé de vous pour chercher un endroit pour prendre mon repos. Tatafuta niende nipumzike fazi fulani. Oui. Tamiacha niende nipumzike. Wakati nitamaliza mafundisho, je vais voyager pour prendre mon repos. Tasafiri kwenda mbali juu nipate kupumzika. Oui bien mes frères. Dio ntuna. Mais maintenant c'est le temps de travailler. Hapa sasa ni wakati ya kutumika. Aujourd'hui j'étais au centre. Leo narukua mule mu centre urbain. J'ai perdu 8 kilos. Mina poteza kilo kumbe kilo munane. Comme Jésus a dit, travaillez pendant qu'il fait jour. Wakati ile ni mchana. La nuit vient. Personne ne peut travailler. Lève-nous pour la prière, nous continuerons dimanche. Maombi, tutaendelea siku ya juma. Oui, bien aimé frère. Bya kweli ndugu mpendwa. Pendant que ce fléau. Wakati mapiko. De la colère de Dieu s'abattront sur la terre. Ya kasirani ya Mungu itapunguka. Être là. Kupatikana pa ile fazi. Parce qu'à ce moment-là. Kwani mwile wakati. Aucun véritable chrétien. Hakutakuwa mkristo hata mmoja wa kweli. Aucun véritable chrétien. Hakutakuwa mkristo mwanamke hata mmoja wa kweli. Dans le monde. Wa kupatikana mu dunia. Mais tout est entre tes mains. Alakini biote biko mikono yako. On a dit, on a posé la question à la sentinelle. Waluliza nzamu. Sentinelle. Zamu. Que dis-tu de la nuit? Unasema je usiku je? Quand la sentinelle a regardé, il dit. Wakati nzamu aliangalia. Le matin vient. Anasema asubuhi inakuja. Et la nuit aussi. Na usiku nayo pia. La joie vient. Furaha inakuja. Et la souffrance aussi. Na mateso nayo pia. L'enlèvement vient. Unyanyuliwa kunakuja. La tribulation vient. Na mateso makubwa nako inakuja. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. Prions. Tuombe. Notre Père céleste.